Dans le homepage d'Internet et l'entretien, le secrétaire général du comité central du Parti communiste tchécoslovaque et le président du comité coétien à la mémoire du président Kim Il-sung ont exalté la noble vie du président qui a consacré tout pour la patrie et le peuple.